scalpel, la cabine, Pisco MC, carne perro, eso, dès le pénison. Mais qu'est-ce qu'on attend pour passer à l'action? Quand l'équipe de France a gagné, je devais être le seul à pas être heureux. J'ai pensé aux Africains brûlés vifs dans des hôtels miteux, aux clandestins dans les zones d'attente, à l'air triste et malheureux. Car à l'odeur de l'épave, quand les pauvres bavent, je te le dis, ces joueurs ne sont que des poucaves. Calme l'ardeur des soi-disant bonhommes qui squattent les caves. J'aime le foot, mais je me dis que ce sport abrutit vraiment les masses. Ils parlent de modèle d'intégration, moi je te parle de lutte des classes. C'est que du sport, frère. Pas du tout, dans ce monde tout est politique. Et si tu comprends pas, je peux rien y faire. Après 98 et leur victoire métissée, leur discours sur la France colorée. En tant qu'immigrés, est-ce que nos conditions de vie se sont améliorées? 50% des Français aiment l'arabe et le noir quand ils marquent des buts pour leur drapeau. Mais je te garantis que leur bulletin de vote signifie qu'ils veulent que tu rentres chez toi, illico presto. Pas la peine de me taxer d'anti-français. Une puissance néocoloniale qui te donne des leçons de morale. C'est l'hôpital qui se fout de la charte révoltée. C'est pas une mode mais une façon d'être. Pour ceux qui luttaient pas qu'avec des lettres. Fils d'immigrés, rap de clando. Fier de l'être, sous la calatino. Révolté. C'est pas une mode mais une façon d'être. Pour ceux qui luttaient pas qu'avec des lettres. Fils d'immigrés, rap de clando. Fier de l'être, sous la calatino. La France c'est celle des villages où l'on vote extrême droite par peur de l'étranger. Où la pensée est guidée, influencée par le journal télévisé. Crois-moi, chez les boss, on mesure l'impact de l'image d'une voiture brûlée. Chez eux, il ne se passe presque jamais rien. Sainte est la parole du curé du coin. De temps en temps, un gros dégueulasse sort du placard. Première page des journaux traquenards. Dans une bourgade de 1000 habitants, acte de pédophilie barbare. Complicité des notables et des hommes d'église. Les mêmes enfoirés qui nous donnent des leçons de morale et nous stigmatisent. Étrangers, certains le sont par obligation. L'argent domine le monde, conséquence. Nos enfants se réveillent sous les drapeaux de vos nations. Comeback, colonisation, torture, guerre de libération. Reconstruction, enfant de l'immigration. Mis sur le côté de toute une génération. Échec de l'assimilation. Rébellion, Paris brûle-t-il, future simulation. Lucide comme Nathalie, pertinent comme un écrit de prison. C'est dans leur société de conso que se trouve le véritable révolté. C'est pas une mode mais une façon d'être. Pour ceux qui luttaient pas qu'avec des lettres. Fils d'immigrés, rap de clando. Fier de l'être, sous la calatino. Révolté. C'est pas une mode mais une façon d'être. Pour ceux qui luttaient pas qu'avec des lettres. Fils d'immigrés, rap de clando. Fier de l'être, sous la calatino. S.O. Fier de l'être. Dans l'âme et dans chacune de nos lettres. Ainsi. J'suis bleu. Frappé comme les marques que les flics laissent sur les jeunes de cité. Blanc comme le visage des soldats français, complices du génocide rwandais. Rouge comme le sang que votre empire dans le tiers-monde a fait couler. Sur les murs cesse de te cogner la tête. Au pire, si je dois choisir, je suis français comme un membre d'Action Directe. Assis, mais ouf pas.